Est-ce que je suis incapable d'être une adulte raisonnable? Je joue de tout. La musique, je la respire sans jamais me soucier du pire et de tout. Je m'en m'aveugle et qu'un jour je finirai seule avec mes m'aveugle et qu'un jour je finirai seul avec vous.